Bonsoir encore bien mes soeurs, bonsoir frère. Je suis content encore d'être au milieu de nous ce soir. Vous aussi, n'est-ce pas? Oui. Ok. Comment vous avez passé la journée? Mais par-dessus toute chose, aimez la vérité, n'est-ce pas? La Bible déclare que celui qui n'aime pas la correction est un insensé. C'est-à-dire que vous savez, les gens de personnes, quand tu vas lui dire ceci est faux, la personne ne parvient pas à accepter. C'est un insensé. Alors, ces genre de personnes, la prochaine fois, on le laisse seulement, il cogne sa tête, les beaux sortent. Si Dieu lui permet de revenir en arrière, il revient sous ses genoux. Amen. Donc, nous sommes dans l'acte 4 de notre séminaire qui porte sur prophétie et divination. Quatrième jour. Chaque jour, malgré que je suis occupé, j'ai pris sur mon cœur, dit Seigneur, donne-nous de comprendre véritablement ce que tu veux pour nous pour cette époque, afin que nous soyons enrichis par tes bénédictions dans le lieu céleste. Souvenez-vous dans Éphésiens chapitre 3, chapitre 1, verset 3, il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Souvenez-vous, n'hésitez jamais, n'oubliez jamais en Christ, parce qu'il y a deux lieux célestes. Si vous dites seulement béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, vous vous arrêtez, Satan peut vous donner des visions. Parce qu'il se trouve en haut là-bas, dans les deuxièmes cieux. Est-ce que vous êtes bien aimé? Voilà. La Bible dit dans les lieux célestes en Christ. Chaque fois qu'il va falloir parler du lieu céleste où Jésus se trouve, on dit en Christ. Amen. Quand c'est Satan, on dit seulement en lui, dans les lieux célestes. Mais Dieu a rassuré dans la Bible que le moment où on va venir, on va châtier l'armée qui est dans les cieux. Il va les ébranler. Ils vont descendre. Et s'ils descendent, ils vont trouver les chrétiens qui ne se seraient pas préparés. Parce que quand l'enlèvement a lieu, les chrétiens montent, on les débusque totalement des lieux célestes. Ils vont élire domicile sur la terre. Alors toutes sortes de dépravations qu'on n'a jamais imaginées arrivera sur la terre, bien aimé. Donc c'est un endroit où il ne faudra pas vivre. Donc je m'adresse à quelqu'un, ne ratez pas l'enlèvement. Amen. Faites toujours vos efforts. Vous ratez l'enlèvement, vous aurez souhaité ne jamais naître. D'accord? Donc ce soir, nous allons encore continuer avec prophétie et divination. Jusque-là, les premiers jours, nous avons fait le rappel au sujet de le paysage spirituel que nous retrouvons, n'est-ce pas? On a défini ce que c'était la prophétie et la divination. Par la suite, on est entré en montrant que le Seigneur l'avait déjà prévu dans Matthieu chapitre 24, les versets 11, 6 et 23. On a vu que l'apôtre Paul en avait parlé dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Timothée 4, verset 1 et 2, 2 Timothée 4, verset 1 également. On a vu qu'il a parlé dans Actes chapitre 20. Versets 28 à 30. On a vu que l'apôtre Pierre a parlé dans 2 Pierre chapitre 1, chapitre 2, verset 1 à 2. On a vu que Jean également en a parlé dans 1 Jean chapitre 2, puis dans 1 Jean chapitre 4. On a vu cela. On a vu que Jude en a parlé. On a vu que tous les apôtres ont pointé les lanternes au rouge par rapport à notre époque. Et chacun de ces apôtres-là voyait la chose parce qu'au fur et à mesure qu'ils étaient sur place, ça se passait déjà au milieu d'eux. Les discussions et les disputes qu'on a en milieu chrétien, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Les tractations qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 15, la Bible, verset 9 et 10, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Et au chapitre 3, verset 15, la Bible déclare que si quelqu'un dit que cette chose-ci est nouvelle, ça a déjà existé dans les siècles passés. Et Dieu amène toutes choses en existence. C'est-à-dire que s'il y a les esprits religieux, ça va prendre la forme du modernisme, mais le même esprit sera là. S'il y a l'esprit de séduction, il n'y a pas un nouveau esprit sur cette terre-ci. De même que le Saint-Esprit ancien sur cette terre, c'est de même l'Esprit satanique aussi ancien. Il change seulement par rapport à la configuration naturelle, à la configuration physique, matérielle. Mais l'Esprit reste identique. Par exemple, dans les anciens temps, il n'y avait pas la musique qu'on est en train d'entendre maintenant. Mais maintenant, ils ont adopté une nouvelle façon de faire pour polluer l'Esprit, pour polluer la pensée, afin qu'on ait des cauchemars. Amen. Donc ce soir, on va toucher. Ne vous inquiétez pas. Ce soir, je pense par le Saint-Esprit. Ce qu'on va toucher va susciter des questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, là, vous aurez à voir ce soir, je vous le dis. D'accord? Amen. Permettez donc que durant ce moment, ce qui se pointe devant nous, je vais regarder, examiner. Souvenez-vous, je vous aime. Je suis obligé en tant que serviteur de vous dire la vérité. Parce qu'un de ceux, je vais me tenir devant le trône de grâce pour qu'on me regarde si j'ai été fidèle en ce qui m'a été confié. Voici pourquoi, donc, il se pourrait que lorsque quelqu'un se met en train de parler, il ait vu quelque chose, bien appréhendé quelque chose que vous n'avez pas encore appréhendé. On se comprend? C'est pourquoi, après avoir écouté, il faut d'abord examiner avant d'adhérer ou bien avant d'enlever. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là, dites Seigneur, je prends ceci et puis je vais étudier. D'accord? Et puis, ne dites pas oui directement quand ça semble être nouveau. Ne dites pas non plus directement. Parce que vous pouvez dire non et que vous venez de fermer la porte du Saint-Esprit. Donc prenez la chose à examiner. En fait, la parole de Dieu est claire. D'accord? Mais je reconnais que le fait que les théologiens en ont embrouillé a fait de telle scène qu'il y a plusieurs voix qui semblent interpréter la parole, mais la parole de Dieu dit ce qu'elle pense et pense ce qu'elle dit. Ça ne peut pas faire d'objet d'interprétation particulière. Dieu seul doit faire l'interprétation de sa parole. On est d'accord? Ok, je vais commencer ce soir à vous. En fait, c'est, là où je vais arriver, c'est ceci. L'esprit de divination aime les femmes. L'esprit de divination aime les femmes. Je suis en train de dire ici parce qu'à milieu de l'assemblée chrétienne, je ne parle pas d'ici, je parle à tous les chrétiens dans le monde entier qui puissent m'écouter. L'esprit de divination aime les femmes. En fait, Satan vous aime, mes soeurs. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez un double rôle. Normalement, déjà votre sexe est une prophétie. Ça vous saviez au moins? Il dit, votre sexe est une prophétie. Voilà pourquoi l'église, l'épouse de Jésus est typifiée par une femme. Donc une femme d'abord normalement, une bonne femme est une prophétie. Une femme normale est une prophétie. Quand vous allez lire l'Apocalypse, on va dire que la femme qui devait enfanter, vous voyez cela, quand il parle d'Israël étant comme son épouse. Donc l'église symbolise, est symbolisée par une femme. Voilà pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Donc l'église symbolise une femme. Dans les prophéties, quand Dieu veut parler de l'église, il parle de la femme. Vous saisissez? Donc c'est déjà une grâce d'être une femme. Alors souvenez-vous donc, si vous êtes une femme et que vous avez la grâce d'être une femme, vous êtes une prophétie. Ça suppose donc que, souvenez-vous d'ici, de la même façon que vous êtes une femme et que vous prophétisez l'église, l'épouse du Seigneur, il y a encore une autre femme aussi dans la Bible qui semble être l'église apostate. Apocalypse chapitre 17, une femme ivre, descend, descend, écrit avec le nom de mystère sur son front. Donc ça veut dire, là où vous êtes devant moi en train de me regarder maintenant avec vos yeux là, les femmes, vous êtes représentante de soi de l'une des deux églises là, donc l'une apostate ou bien l'autre. Vous voyez là où, pourquoi vous devez vraiment chercher votre place dans le Seigneur, n'est-ce pas? Ok. Donc, l'esprit de divination aime les femmes. Ce soir, j'aimerais qu'on regarde sur plusieurs gens selon que le Saint-Esprit va nous y conduire. D'accord? Et nous avons terminé par les prophètes et les prophéties qui pouvaient sortir des cœurs. Je vous ai donné Jérémie chapitre 23. Les versets, à partir du verset 9 jusqu'à la fin que vous lisez. Je crois que ce soir, si le Seigneur permet, on va feuilleter. Mais je vais vous faire comprendre quelque chose. Je vais avancer au fur et à mesure par certaines questions pour susciter quelque chose en vous. D'accord? Combien de prophétesses y en a-t-il dans la Bible? Combien? Avez-vous déjà imaginé? Vous allez penser? Je vais vous donner les passages où se trouve prophétesse. C'est mentionné dans toute la Bible 7 fois. Prophétesse, 7 fois. J'arrive, d'accord? On va aller doucement. Ouvrez nos Bibles dans le livre de Exode. Exode. Vous allez voir de quoi il est question, d'accord? Exode. Vous souvenez que le cas des marabouts, on a traité, on a dit que c'est la chose qui se passe à un milieu chrétien qu'il faut examiner, n'est-ce pas? Mm-hmm. Vous y êtes. Exode chapitre 15, le verset 20. Exode le chapitre 15, le verset 20. Donc je vais glisser sur ce questionnement pour éveiller des questionnements en nous. Après je vais parler maintenant, on va répondre à une question que j'ai posée ici et que j'avais dit qu'on devait toucher. Cette question-là c'est, est-ce que parmi les serviteurs là, ou bien parmi nous tous qui nous sommes chrétiens, est-ce que quelqu'un peut exercer de façon consciente ou inconsciente la divination sans le savoir? Il dit donc, lorsqu'à l'examen de cela, on va se rendre compte que beaucoup ont été sous l'influence, cette influence, ou bien sont sous cette influence-là dans les assemblées, d'accord? Donc, dans cet Exode chapitre 15, le verset 20, si vous remarquez très bien, on parle de Marie. Vous êtes, n'est-ce pas? C'est la première mention des prophétesses. Donc, vous avez dans votre Bible 8 endroits où on parle de. J'ai dit 7 parce que dans cet endroit où on parle de Hulda, dans deux rois, il est reporté encore dans le livre des 2 Chroniques au chapitre 34, verset 14. Donc, je vais vous donner les noms des femmes qui sont prophétesses dans la Bible. D'accord? Donc, il y a Marie. Voici la première mention, c'est Marie. C'est elle. Bien aimé, suscitons-nous les questions maintenant pour commencer à examiner leur vie, leur ministère et autres, et ça va nous mettre au fil par rapport au ministère prophétique. On va répondre à toutes les questions qu'on pourrait se poser. Maintenant, la première personne, ou bien la première femme prophétesse, c'est Myriam. En fait, vous allez voir dans Nombre, on l'appelle Myriam. Myriam. D'accord? Donc, le même radical pour le mot Myriam, c'est Marie. D'accord? Mm-hmm. Donc, si vous voyez Marie, sœur d'Aaron, c'est la même chose que Myriam. D'accord? Mais bien aimé. Donc, il y a Myriam, il y a Hulda. Notez seulement. Il y a Hulda. Donc, Hulda, la prophétesse Hulda. Ou bien, vous pouvez prendre un note dans la Bible. C'est-à-dire que dans Exode chapitre 15, le verset 20, on parle de Marie. D'accord? Après Exode, la prochaine personne qu'on va mentionner, c'est Déborah. D'accord? Déborah. Déborah dans le livre des Juges au chapitre 4, le verset 4. Vous pouvez noter. L'examen, ça va nous conduire quelque part. C'est amusant. Il s'est amusant, il s'est glorieux aussi en même temps. Déborah avait dit abeille. Pas étonnant qu'elle faisait son église sous les palmiers. Vous savez que les abeilles aiment trop construire les nids là-bas. On va voir son cas, ne vous inquiétez pas, parce que c'est des questions. Déborah, d'accord? C'est dans Juges chapitre 4, le verset 4. En fait, si vous lisez tout le chapitre 4, le chapitre 5, c'est mentionné là-bas, d'accord? Ok. Après, vous avez dans 2 Rois, chapitre 22, le verset 14. D'accord? Là, on parle de Hulda, la prophétesse Hulda. Vous savez, dans ces deux rois, particulièrement au chapitre 22, il est fait que mention du roi Josias, lorsqu'on avait trouvé, lorsque l'État avait été abandonné, on a abandonné la loi de l'Éternel. Ils avaient trouvé la loi, un rouleau dans le temple, et ils sont allés consulter l'Éternel. Et puis Dieu a parlé au travers de cette femme-là que les exactions, les choses mauvaises qui sont écrites dans la loi vont pleurer sur ces peuples-là, d'accord? Donc, cette Hulda-là est encore reportée dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 34. Donc, c'est une seule et même personne. Parce que les mêmes histoires qui sont reportées dans 2 Rois 22 là sont reportées aussi. C'est pas l'histoire du même Joas. D'accord? Après, donc, Hulda, il se trouve dans une autre personne qui n'a pas de nom. La femme du prophète Esaïe. On n'a pas donné son nom. Il a seulement dit, le prophète Esaïe, ça m'a dit que je m'approchais de la prophétesse et elle est conçue et elle a enfanté. D'accord? Donc, ça, c'est dans le livre du. Esaïe au chapitre 8, le verset 3. D'accord? Esaïe chapitre 8, verset 3. Vous y êtes bien aimé? Ok. Avant donc Esaïe, dans le livre de Néhémie qu'on a lu hier, vous souvenez, on a lu le chapitre 6 de Néhémie hier. Le verset 14, on a parlé d'une certaine prophétesse, la Noadia. Donc, ça se trouve dans Néhémie chapitre 6, le verset 14. Une prophétesse. On va examiner ce qu'il en est, d'accord? Ah, c'est merveilleux. Quelque chose commence à arriver dans mon cœur là maintenant. Donc, Néhémie chapitre 6, le verset 14, pour Noadia. Noadia. Vous y êtes? Par la suite, la prochaine étape où on trouve une prophétesse se trouve dans le livre de Luc au chapitre 2, le verset 36, où on parle de Anne. Fille de Phanuel, de la tribu d'Issacar, qui avait été vierge, restée vierge depuis sa virginité 7 ans par rapport à son mari. Quand son mari est décédé, elle est restée comme ça dans l'isolement, dans les jeûnes et dans la prière. Et Dieu lui avait donné la certitude de la promesse qu'il va voir au salut, qui est destinée pour le nation. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Dans le livre, elle est venue au temple, elle parlait de Jésus à n'importe qui. Elle s'appelle Anne. Ok. La prochaine mention d'une prophétesse en cause dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Là, il est fait mention de la fameuse Jézabel. Jézabel, ça veut dire son nom, ça veut dire fumier. Fumier. Sans cohabitation. Son nom, le nom Jézabel veut dire fumier. Nouti. Vous savez le fumier, non? Voilà. Sans cohabitation. Il y a beaucoup à dire de cette femme-là. En fait, c'est une femme qui a existé au temps de Élie. Mais là-bas, c'est une image de cet esprit-là. Ok. Voilà donc les 7 mentions telles que. J'espère que personne n'a manqué les versets. J'ai dit Exode chapitre 15, verset 20. Juges chapitre 4, le verset 6. Et le verset 4, enfin, vous pouvez lire tout le chapitre des Juges. Néhémie chapitre 6, verset 14. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? J'ai dit Esaïe chapitre 8, le verset 3. C'est ça, n'est-ce pas? 2 Rois, chapitre 22, le verset 14. Après, si vous lisez, vous allez tomber là-dedans. Le verset 14. J'ai dit également Luc, chapitre 2, Le verset 36. Et puis Apocalypse chapitre 2, verset 20. Prenez le temps de regarder, vérifier. Voilà donc les sept personnes féminines dont on parle dans la Bible comme prophétesse. Souvenez-vous de ce qu'il dit, il dit que l'esprit de divination aime les femmes. Ok, on va expliquer, ne vous inquiétez pas. Ok, parmi ces sept femmes, là, celle-là qu'on appelle Hulda et celle qu'on appelle Déborah. Hulda veut dire top. Top. Vous savez, la top, n'est-ce pas? On dit qu'il y a un top au milieu de nous. Ça veut dire quoi? Un espion. Oh, il y a tellement de choses à dire, bien aimé. Déborah veut dire abeille. Vous savez, les abeilles dérangent. Et en plus, ça produit également des bonnes choses, des miels. C'est-à-dire que la femme est paradoxale. Quand une femme vraiment est vêtue chakala, il n'y a pas deux endroits sur cette terre, c'est inhabitable. Vous avez lu le proverbe par rapport à la femme là que David déclare que vaut mieux être sur un qu'avec une femme férule. Parce que quand elle baba, tu ne peux pas être en paix. Ok. Voilà, une femme donc, telle que le proverbe toujours décrit dans le chapitre 31, une femme vertueuse. Voilà pourquoi je vais vous dire, Brenda, pourquoi le prophète Salomon a dû pécher par vous. Il cherchait la femme, selon Dieu, il ne va même pas trouver. À l'issue de son écrit, il dit que parmi mille hommes, il a parvenu à trouver un. Mais parmi tous les femmes, il n'a pas trouvé une. Donc il est mort sans connaître la vraie femme selon Dieu. C'est celui qui écrit, c'est son compte rendu. Donc si quelqu'un veut dire aujourd'hui, il faut que j'ai cinq femmes, Salomon avait cinq, il n'a pas compris la mission de Salomon. Souvenez-vous, ce sont des prophètes. Après, il a senti, il a écrit vanité des vanités, tout n'est que vanité. Donc il y a bien à limiter par rapport à ce domaine. Ça dit quoi? Il a pris sa vie pour être comme, quand les gens partent au laboratoire, on utilise la souris comme, comment on appelle ça là, cobaye. Sa vie a été une cobaye pour te montrer que tu n'as pas besoin de vivre dans la polygamie. Vous saisissez? Remarquez, à la fin de sa vie, ces femmes-là ont incliné son cœur. Toutes les femmes-là servaient de dieux étrangers. Moloch, Kemosh, Nabal, Baal, Baal Hamon, Baal et Evaï, citez tous les dieux-là. Les femmes. La femme vertueuse, qui peut donc la trouver? C'est ça le problème. Regardez, les caractéristiques de la femme vertueuse dans le Proverbe chapitre 31 se trouvent dans l'église manifestée. C'est-à-dire qu'une femme vertueuse sera prise comme un exemple par rapport aux prophéties, par rapport à l'église. Je vais vous expliquer pour vous saisir un peu ce qu'il veut dire, d'accord? L'époque où nous vivons dans Apocalypse chapitre 2 est appelée comme l'âge de l'église de l'Odyssée. Le dernier âge. Et dans cet âge-là, on dit que l'église est misérable, aveugle et nue. Vous savez ça, n'est-ce pas? Observez les jeunes filles dehors, dont vous êtes. Vous venez ici couvert, vous savez comment vous habillez dehors, non? Nudité. Donc, la façon d'observer de Dieu, enfin, Dieu a donné cela dans le discernement pour qu'on puisse regarder comment l'église, pour voir comment l'église est devant Dieu. C'est-à-dire maintenant qu'on ne savait pas comment voir, d'accord? Pour regarder le temps, regarde comment Dieu, quel est le temps qu'on a de vivre. Surveillez Israël. C'est l'horloge de Dieu, d'après la Bible. Amen. Si vous voulez savoir comment Dieu va agir, suivez seulement Israël. C'est que Dieu en est tout à fait Israël, il est en train de mourir. Donc l'horloge de Dieu, c'est par rapport à Israël. Quand il va entrer dans l'église, il va travailler par rapport à l'église, suivez le comportement de femmes dehors. Vous saurez exactement comment Dieu en est de voir l'église. Quand vous regardez la majorité des filles dehors, ça dit bien ou bien ça dit mal. C'est comme ça que l'église est devant le Seigneur. Miri, l'esprit de divination aime les femmes. La séduction. Maintenant, revenons sur ce cas de ces femmes prophétesses. Première femme, elle s'appelle comment? Marie, n'est-ce pas? Dans ce livre des Nombres, chapitre 15, le verset 20 qu'on a lu. Maintenant, il y a une histoire qui va se passer entre, souvenez-vous, elles étaient fortes dans leur famille, il y avait Aaron, le grand frère, elle et puis Moïse, le dernier, n'est-ce pas? Ok. Dans le livre des Nombres, chapitre 12, prenez cela et puis, je ne sais pas si le Saint-Esprit nous permet de lire, on va lire pour que vous voyez quelque chose. Elle va conduire son frère dans le mur par rapport à Moïse, son frère, vis-à-vis, à cause de la femme que Moïse avait prise. Ils ont murmuré. On parle de murmure où, et puis elle a eu la lèpre. Dans cet Exode chapitre 15, verset 28, je vous donne la mention qu'on appelle là-bas prophétesse parce qu'elle a eu les tambourins, elle tempère, elle chantait les cantiques. D'accord? Mais ce qu'il veut montrer, c'est qu'il n'y a aucune de ces prophéties nulle part. Il n'y a aucune de ces prophéties nulle part. Je vais seulement vous montrer quelque chose. Et pour que vous compreniez, il y a une chose de lire la Bible et de comprendre selon ce que Dieu est en train de dire. C'est une chose de comprendre ce que Dieu est en train de dire, le pourquoi. D'accord? Ok. On a nommé cette femme. On a vu que la femme d'Ésaïe n'a même pas été mentionnée. On a seulement dit, je m'approchais de la prophétesse. Elle a enfanté. On n'a pas donné son nom. Elle n'a jamais dit quoi que ce soit qui est mentionné. D'accord? Maintenant, il y a deux personnes qui ont parlé. Deux personnes qui ont véritablement parlé. Il y a le cas de Déborah. Il y a Hulda. L'une, c'est l'abeille. L'autre, c'est la taupe. Anne. Grâce. Anne veut dire grâce. Anne qui est dans Luc chapitre 2 là, elle parlait de tout le monde de Jésus. Remarquez très bien, on a parlé de sa virginité. Et comme on a touché le cadre dans le Nouveau Testament, on va voir les quatre filles vierges qui prophétisaient. On va revenir là tout à l'heure pour que vous allez comprendre quelque chose. Maintenant, Déborah est une prophétesse, elle a dit des choses. Hulda, c'est une prophétesse, elle a dit des choses. Parmi les sept dont on a cité, deux sont nommément fausses. Il y a Noadia. De Néhémie chapitre 6, il y a Jézabel. Il reste donc combien en autre actif? 5. Il y a une autre qui n'a même pas prophétisé. La femme d'Ésaïe. Il reste combien en autre actif? Il y a Myriam qui n'a même pas prophétisé. Il reste combien en autre actif? 3. Maintenant, je vais parler de l'autre côté. Votre Bible fait mention, si vous regardez les mots, si vous suivez dans votre Bible, prophète, sans S, ça apparaît 220 fois. Je recommence encore pour vous saisir. Si vous saisissez dans votre Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous suivez le mot prophète sans S, ça apparaît 220 fois. Si vous regardez prophète avec S, ça apparaît 235 fois. Le total donc 455 fois qu'on a fait mention des prophètes. Et avec la réduction, on voit qu'il y a trois femmes seulement qui sont prophétesses dans la Bible entièrement. Ça vous fait quelque chose déjà là? Attends, est-ce que ça vous pose un problème déjà? Vous saisissez là où je vais en venir? Amen. Vous saisissez là où je vais en venir? Amen. En fait, je vais dire ça maintenant pour que vous compreniez. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une seule prophétesse. Maintenant, il faut que ça. Maintenant, c'est là que je vais en venir. Si vous en connaissez, levez le doigt tout simplement pendant que je vais parler. Et montre-moi une. Il dit, dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas une seule prophétesse mentionnée. Je suis arrivé quelque part pour que vous saisissez. En fait, l'église a baissé le bras, on a saisi la main tendue de Satan, des choses sont glissées au milieu de l'église parce que nous avons quitté le cadre de la parole. C'est là le problème, là maintenant. Il faut qu'on taxe ça ce soir. Vous m'aimez, n'est-ce pas, bien-aimé? Oui. Comment vous savez? C'est parce que vous ne parlez pas. Amen. Vous m'aimez, n'est-ce pas? Amen. Je vous aime, c'est pour ça que je vais vous dire la vérité. Remarquez très bien, tous les versets que vous avez donnés, il n'y a qu'un seul verset du Nouveau Testament que vous avez donné, pas vrai? Apocalypse chapitre 2, verset 20, pas vrai? Et c'est la seule mention d'une femme. Et Dieu ne l'a pas appelée là-bas prophétesse non plus. Dieu a plutôt dit qu'elle se dit prophétesse. Non, ce n'était pas une prophétesse. Elle se dit. Elle s'est plutôt proclamée prophétesse. Ça veut dire que si on enlève le fait qu'il y a cette fausse prophétesse dans le Nouveau Testament, on garde de côté. Il n'y a pas de prophétesse dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que, je vous lance le défi. Qu'est-ce que ça vous fait déjà au milieu de l'église? Oui, voilà. Alors ça commence à poser le problème de la définition du ministère prophétique et du don des prophéties. C'est ce qu'on va voir là maintenant. C'est là où je voulais vous entendre. C'est quoi donc le ministère du prophète et c'est quoi donc le don des prophéties? Que quelqu'un se lève de façon par lui-même. Une personne se lève et fait une démonstration pour que vous saisissiez. Je vais par démonstration pour que vous essayez de comprendre ce que je veux dire, d'accord? Une personne volontaire se lève. Il n'y aura pas. Ce n'est pas dans la vie, c'est physique, d'accord? Personne de volonté, levez-vous. Maintenant, si, voilà, viens comme ça devant, comme ça, on va plus, on pourra bien voir, n'est-ce pas? Regardez, vous savez cette femme, n'est-ce pas? Elle a deux choses sur elle. L'une qui a été ajoutée, l'autre qu'elle n'a pas fait l'effort de l'avoir. Ce qu'elle a ajouté, c'est son vêtement au-dessus d'elle. Vous savez, vous avez remarqué, n'est-ce pas? Son corps, qu'elle l'admet ou non, elle est venue avec son corps. Vous saisissez? Il dit son corps. Enfin, vous admettez, je prends pour elle pour que vous saisissez. En fait, c'est même sur vous. Il dit la soeur que nous sommes en train de voir, elle a deux choses sur elle. Vous savez que la Bible est comparée au corps dans les Écritures. Quand le Seigneur parlait dans Luc chapitre 20, Matthieu chapitre 20, chapitre 6, là, de la nourriture et le vêtement, ainsi de suite. Vous savez, vous souvenez ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la Bible est comparée au corps. Cette soeur-ci qui est au-devant de moi, cet habit-ci a été ajouté à un moment donné. Elle a commencé à porter. Il y a eu un moment où elle a commencé à porter ça. Vous saisissez? Ceci, elle a toujours eu. Vous saisissez? Ok, je vais dire ça autrement. Supposons que cet habit-ci n'est pas d'elle, c'est-à-dire qu'on lui a offert. Alors on lui a fait ce don-ci à un moment donné. Et à un moment donné où elle s'est appropriée de ce don. Vous savez bien aimé. Faites l'effort de vraiment saisir. Il y a eu un moment où elle s'est appropriée de ce don qu'on lui a donné. Et à un moment donné, elle a commencé à utiliser. Ceci, elle n'a pas, on ne lui a pas offert, elle l'avait tout naturellement. Vous savez, c'est. Vous allez vous asseoir, je vais vous expliquer avec moi. Le don des prophéties commence à un moment donné, le prophète n'est prophète. Amen. Ça va dégager beaucoup de choses là maintenant. C'est cette définition et cette confusion, je sais de quoi il est question, je sais de quoi je suis en train de parler. Dans l'église du Seigneur, le fait qu'il n'y a pas des enseignants envoyés selon Dieu, on va aller dans toutes les dérives. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, vous ne pouvez pas connaître les choses de Dieu si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Si vous avez un autre esprit de Dieu, Dieu va voiler cela. Il dit qu'il prend les sages dans leur ruse. Vous avez vu l'exemple, n'est-ce pas? On dit le don des prophéties. Le don, c'est-à-dire quelque chose qui est donné comme cadeau. À un moment donné, on parle du charisme. C'est le don spirituel. Avant ça, avant que cela ne vienne, tu n'avais pas. Prenons un exemple pour vous comprendre. Le don, par exemple, on va prendre quoi? La parole de connaissance. Quand tu étais mon ami, tu avais la parole de connaissance. Vous voyez, j'arrive là quelque part encore, regardez. À un moment donné, tu as la parole de connaissance. À un endroit où ça va commencer. Je vais toucher le cœur de pour que vous compreniez ce qu'il veut dire. Mais juste qu'elle avait mettre la parenthèse, c'est dimanche qui va bien déballer. À un moment donné, vous avez cette manifestation des dons des paroles de connaissance. C'est encore une autre confusion. Il y a une colonne marquée à la différence entre prophétie, don de prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse. C'est un autre problème, mais ce n'est pas notre thème là maintenant. Restons sur prophétie, divination, ces choses-ci. Je vais vous expliquer quelque temps la différence entre le ministère du prophète et le don de prophétie. Vous saisissez? Donc, dans le Nouveau Testament, il y a donc cet apport du don des prophéties. Pourquoi? Parce que ce don-là était prévu en Dieu pour être donné par le Saint-Esprit. Ce n'est pas donc possible d'avoir le don des prophéties sans être baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Parce que les dons se trouvent dans le Saint-Esprit. Amen. Qui a donné cet appel-là solennel dans Actes chapitre 2, verset 38, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc ne priez pas que, ah Seigneur, Seigneur, en fait, ça va me pousser à poser une question ce soir. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Amen. Ça va me pousser à poser cette question. Alors, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit à la manière de la Bible, toute autre chose qui est en train d'arriver vers toi risque d'être de la divination. Puis encore, si vous avez été sous un ministère où cette personne était sous l'influence de l'esprit de divination, il t'a communiqué. Dimanche, je vous en parlais avec des exemples, des tons. Donc, les femmes étant sensibles, parce que Satan est leur copain, Satan aime beaucoup les femmes. Vous savez comment les femmes réagissent, pas vrai? Alors, il leur raconte cela. Mais ça arrive. Le prophète naît prophète, comme cette sphère-là est née avec son habit normal. Je peux vous aller dans la Bible et vous montrer des exemples pour que vous saisissiez. Jérémie chapitre 1, qu'est-ce que ça dit? Quand Jérémie a dit que non, il ne veut pas parler. Il ne sait pas parler. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ne dis pas que tu es un enfant. Pas vrai? Il dit avant que tu n'aies. Je t'avais consacré, je t'avais établi. Jérémie peut être inconscient du fait qu'il soit prophète, il l'est quand même. Amen. Vous saisissez? Le moment arrive, il commence à. Des choses bizarres arrivent aux prophètes lorsqu'ils ne sont pas encore dans leur ministère. Après, je vais expliquer quelque chose qui chamboule encore la théologie. Je vais vous expliquer cela pour que vous saisissez. Parce que la Bible, si vous devez l'amener en harmonie pour pouvoir prêcher, il faut que Dieu vous ait envoyé. Ok, regardez. Le prophète, comme le prophète Samuel, quand il était petit, dans les années 3 ans, 4 ans, il était là dans le temps. La Bible déclare que la parole de l'Éternel était rare. C'est terrible. S'il n'y a pas un moment aussi, la parole est rare comme ici, là, c'est que je ne comprends pas. Il était couché là, il entend Samuel. Écoutez, quand il entend Samuel, il croit que c'est comme Jean entend la musique là, c'est à l'intérieur. Il va vers Élie, il dit que Élie ne comprenait plus rien en rien. Il était dans les rituels. On prend les ablutions, on fait comme ça, on met le feu, après on dort. C'est ce qu'il était là-dedans, les rituels. C'est-à-dire que comme quand on n'entend pas la voix de Dieu, le matin fait ma prière, on est sorti, le foyer, mais c'est Dieu. Les rituels. Donc il faut une communion avec vous et l'esprit. Peut-être que vous voulez aller au marché, le Saint-Esprit dit que non, pas dans ces marchés, allez dans tel autre marché. Il désire savoir quelle quantité de cuivre vous mettez pour votre mari dans la sauce, le Saint-Esprit. Amen. Le sel, vous prenez le sel dans la cuillère, Saint-Esprit, c'est suffisant. Il dit que non, ça sera plutôt trop salé. Ça vous étonne ça? C'est-à-dire que vous préparez la cuisine avec le Saint-Esprit. Si déjà vous priez, vous gênez, vous criez, c'est Satan avec les porcs qui vient encore vous traumatiser dans le rêve. À combien de raisons sur le Saint-Esprit, il ne pourra pas vous parler. Il y a donc une réelle chose à faire au milieu de l'église, la repentance pour que l'esprit prenne le contrôle de l'église. Regardez avec quelle facilité les disciples dans les actes des apôtres fonctionnent avec l'esprit. L'apôtre Paul, Pierre se met là, il a une vision. Pendant qu'il en est là, quelqu'un le cherche, il dit que, l'esprit lui dit que va, c'est moi qui les ai envoyés. Ça dit, c'est là, le Seigneur enlève Philippe, là, il dit, approche-toi de ces chats. Il arrive là-bas, le Saint-Esprit lui dit, approche-toi de ces chats. La Bible déclare que l'apôtre Paul partait, il voulait entrer à Éphèse avec les autres, l'esprit de Jésus ne leur permit pas. Il dort là, il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il montre un macédonien, que passe un macédonien, il s'écoule. Où est parti cela dans l'église? Ne citons-nous pas que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement? N'est-il pas écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 8, qu'étant monté, il a fait des dons aux hommes? Où sont-ils donc ces dons? Où sont-ils? Donc le prophète n'est prophète. À un moment donné, il entre en conscience. Remarquez l'apôtre Paul, c'était un prophète. Vous savez que l'apôtre Paul était un prophète. Ok. Il grandit, il entre dans cette dérive théologique. À un moment donné, il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. Vous entendez cela? Il connaît de quoi il est question. Regardez David. Dans le psaume 139, verset 14, il dit quoi? Quand une masse informe, tes yeux me voyaient. Et tous les jours de ma vie étaient écrits sur ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Prophète. Vous saisissez? Dieu est l'esprit, c'est le Dieu des prophètes. Et Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Il a toujours ses prophètes. N'acceptez jamais que personne vous dise qu'il n'y a plus de prophètes, que le dernier prophète c'est Jésus. Il y a un autre mensonge, c'est l'autre là. Que non, Dieu parle à tout le monde. Dans ce cas, même la personne qui dit que Dieu parle à tout le monde, demandez-lui si lui ou non Dieu lui a parlé un certain temps. Dieu a toujours ses prophètes. Parce que dans Éphésiens chapitre 4, qu'on va regarder en examinant de plus près selon le Seigneur, il dit que ces prophètes là, les saints ministères qu'il a donnés là-bas, c'est jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. On est arrivé, ces dons-là doivent subsister. Il a dit ces dons-là sont donnés dans le corps pour le perfectionnement et des saints, le perfectionnement, l'édification et le perfectionnement. Des saints en vue, nous y voilà encore, regardez, en vue de leur ministère. C'est-à-dire que si ces cinq personnalités ne sont pas dans le corps, personne ne trouvera sa place. Vous entendez, vous voulez, je vous dis qu'il y aura des questions ce soir. Alors, quelqu'un fait 20 ans. Tu dis que depuis 20 ans, qu'est-ce qu'il a fait? J'étais à l'EMEC, je suis à la Côte d'Or, j'étais maintenant, je vois, voilà son expérience spirituelle. 20 ans. Ma Bible me fait comprendre qu'après 2 ans de disciples là, si tu n'es. Écoutez, la Bible là que vous avez devant vous fait comprendre qu'après 2 ans de disciples là, si vous êtes enseigné selon Dieu, vous devez être incorporé. Sinon, vous êtes coupé et jeté. C'est ce qui est écrit. J'attends dans les questions, je vais vous montrer dans les Écritures. Si quelqu'un est à moi et qui porte des fruits, le Père les monte. S'il ne porte pas des fruits, les couper, jeter, il dehors, il sèche. Donc, quand Jésus dit il dehors, il sèche, vous coupez une branche de mangue, on jette, ça ne sèche pas immédiatement. Le reste des sèves est là pour lui faire dire Amen, Alléluia, oh yo yo yo. Le reste des sèves, attendez, c'est moi le test des temps. Après, on commence à murmurer. Dieu là, il ne me répond pas, il ne voit pas que je souffre. Voilà le mondain, les murmures commencent. Regardez votre position encore avec le Seigneur. Les prophètes tels que Dieu a montré dans la Bible sont des porte-paroles de l'Éternel. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent selon la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ils viennent pour une mission bien précise et ils l'accompliront certainement. Amen. Voici pourquoi notre Dieu, étant tout-puissant, est obligé de rendre des femmes stériles pour pousser certaines personnes à prier afin qu'ils puissent envoyer ces prophètes-là. Toutes les femmes stériles dont Dieu a rendu stériles dans la Bible ont accouché des prophètes. Si je sais cela, c'est pour un but. Alors, ce que je vais dire, c'est ceci. On ne devient pas prophète, on le naît. Amen. C'est ça que je veux dire. Donc, si vous dites à quelqu'un, non, je suis devenu prophète, comme maintenant il y a les écoles des prophètes, ça dit que tu vas te t'asseoir, on t'enseigne comment être prophète. C'est grave, je vous dis. C'est grave. Il y a un autre qui était là, quelque part, il a dit que le professeur lui demandait que tournez-vous, il dessine. Il dit que essayez de voir ce que j'ai écrit, les signes que j'ai écrit. Que ce sont les clés. Vous entendez cela? Le voyage à ça en milieu chrétien. On est ça. L'école des prophètes, vous avez ici? Mais si vous avez vu l'école des prophètes ici, il n'y en a pas. Il y a même dans cette vidéo-là l'école des visions. On enseigne à avoir des visions. Alors, c'est ce que le Satan enseigne, à, ce qu'on enseigne dans les techniques de transcendance. Comment vous appelez ces choses-là? On va voir entre le dernier, je vais toucher cela. La transcendance astrale. C'est-à-dire que faire monter l'énergie. Alors, quelqu'un te fixe, il te suggère. Voilà pourquoi quand vous allez dans cette campagne, en voyant que vous avez donné l'argent sans vous en rendre compte, il travaille sur votre montagne, il frappe quelque chose là sur vous, ici. Il met toujours la main là-bas. Après, il dit que la Shekinah. Oh, merci Saint-Esprit. Parlons encore de Shekinah. C'est quoi Shekinah? Mon Dieu, un seul verset de la Bible, même dans l'hébreu, qui nous dit. Shekinah, c'est. Vous avez dit, je vous ai dit tout à l'heure là que Satan aime les femmes. En fait, Shekinah, c'est une démon féminin. Je vais vous dire, ne vous inquiétez pas, je vais susciter des questions en vous. Il y a des pasteurs qui ont mis leurs enfants Shekinah. Parce qu'on a dit que la gloire de la Shekinah, c'est nulle part dans la Bible. J'ai fouillé l'hébreu, je n'ai pas vu. Et puis maintenant, faites la recherche sur le mot Shekinah. C'est une démon féminin. C'est elle donc qui est incorporée, qu'on appelle Jézabel. Donc vous fuyez Jézabel, après mon enfant Jézabel, vous appelez Shekinah, vous venez l'appeler Jézabel. Attendez, on arrive. Shekinah. Vous allez encore danser. Shekinah, on croit que c'est la gloire de Dieu, mais pourtant c'est un démon incarné. Je vous montre, tout simplement. Nulle part dans votre Bible, ni dans l'hébreu. En fait, Shekinah, c'est même un nom, c'est un nom féminin pour commencer. Elle est connue sous plusieurs noms. La déesse Diane, Artemis, ainsi de suite, Shekinah. Donc, quand tu tentes de devenir prophète, tu te places sous l'onction de Satan. Parce que tu n'es pas selon le plan de Dieu. Vous savez cela maintenant? Maintenant, voici donc là où je voulais en venir, mes soeurs, je vous aime et je ne vous prends pas à tort par rapport à ceci. C'est nous, ministres de l'évangile, qui avons fait ce tort-ci à vous. D'accord? Mais on peut corriger ça aujourd'hui. Si vous admettez qu'on corrige. Les cinq ministères de Éphésiens chapitre 5 sont des ministères de direction et d'autorité spirituelle. Une femme n'est pas permise là-dedans. C'est ici. Une femme n'est pas permise là-dedans. Voici pourquoi normalement le Saint-Esprit n'a pas mis de prophétesse. Parce que s'il met de prophétesse, automatiquement il va dire qu'une femme qui est prophétesse peut conduire. Une femme ne peut pas être directrice ou bien ne peut pas diriger une église. Parce que Dieu a formellement interdit. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Or, dans ce ministère d'Éphésiens chapitre 4 là, il a dit que les cinq ministères sont donnés à l'église pour le perfectionnement et l'édification. Tu ne peux pas perfectionner quelqu'un. L'apôtre Paul a dit que nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance. Afin que votre obéissance soit complète. Il dit que je pouvais utiliser de l'autorité que Christ m'a donnée. Vous entendez cela? Donc ces ministères sont les ministères d'autorité. Dieu ne permet pas cela à la femme. Alors aujourd'hui, vous voyez les gangs qui s'affichent au carrefour. Prophète tel et professeur tel, je vois, Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire de ce pays? La Bible est en train de dire le contraire. Alors voici donc l'explication de ce qui est arrivé à la dérive. Des sœurs peuvent avoir des dons de prophétie, on les confond aux prophètes. C'est le problème de l'église. C'est-à-dire, pour le fait que quelqu'un a prophétisé, on dit que c'est la prophétesse telle. Corrigez-vous seulement votre position. N'admettez pas, en fait, même vous dites que je suis prophétesse, vous ne pouvez pas vous incorporer au corps, parce qu'il n'y a pas votre place là-dedans. Si vous avez le don spirituel, le don de prophétie, admettez que le Seigneur vous a donné une grâce de prophétiser. Ne vous appelez pas prophétesse. C'est que vous avez écrit un autre Nouveau Testament. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas un seul endroit dans la Bible, il y a le Nouveau Testament où il y en a des prophétesses. Ça n'allait quelque part. Vous avez dit, l'esprit des divinations vous aime. Alors quand vous êtes censé par l'esprit, ça peut vous faire prophétiser. Vous vous donnez les choses vraies d'abord, ça vous convainc. Je vous dis, dimanche, j'arrive. Alors qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est sous cette influence? Le serviteur, je dis, ce n'est pas le problème des femmes. C'est que les conducteurs ont quitté, n'ont pas enseigné la bonne manière. Voici pourquoi dans Jacques chapitre 3, il a dit que plusieurs personnes ne se mettent pas à enseigner. Parce que vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. Imaginez comment une soeur qui a le don de prophétie, on l'appelle prophétesse, et subitement elle commence à avoir son ministère. Un ministère pour elle-même, par elle-même. Où elle commence à prophétiser. Avec les bandes comme ça, les faux ongles comme ça, comme pour Jézabel véritablement. Elle te tend ça comme ça, la chair de poule peut t'arrêter. Et Dieu dit le contraire. Pour ces femmes qui ont particulièrement le don de prophétie, Dieu est exigeant vis-à-vis d'elles qu'elles ne doivent pas prophétiser sans avoir la tête non couverte. C'est terrible. On va se amener à haut respect. Alors, toute désobéissance, je vous avais dit qu'il y a de l'idolâtrie au milieu de nous. Là, il y a l'esprit de divination. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc, si tu pries sans avoir la tête voilée, tu es un divin. Amen. Amen. L'église, église, où es-tu? Voici pourquoi on n'aime pas quand on nous prêche. On prêche aux gens fuient seulement. Amen. Mais regardez, j'ai déjà dit, les gens qui me connaissent, je le dis haut et fort, je n'appelle jamais personne pour savoir que vous êtes où. Quand je prêche la vérité, je ne dirai jamais devant personne que c'était mes pardonne-moi, jamais. Je ne me repentirai point pour avoir dit la vérité. Amen. Amen. Vous savez, Jésus, quand il a parlé, si nous mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas ma vie. Les gens sont partis, il n'a pas dit que non, venez, je vous explique ce qu'il voulait dire. S'ils étaient du milieu, ils seraient restés. Parce que ceux qui étaient du milieu étaient restés. D'accord? Vous êtes trop dur ici, vous êtes trop dur. Quelqu'un a dit à Yaoli que vous êtes trop radical. Et si vous n'êtes pas radical, le vent de la séduction vous entraîne. Vous saisissez? Donc si quelqu'un donne les prophéties, dis-vous les femmes. En fait, ne dites pas qu'il n'y a pas le don de prophéties. Il a dit que quand tu pries ou que tu cours, tu dois avoir la tête voilée. Donc quand tu as prié, le seul fait de baisser la tête, prier sans avoir la tête, le péché sur la tête, vous êtes coupable devant Dieu. Donc vous êtes amen. comme les marabouts. Amen. Demande à ta voisine, dis qu'il faut qu'on se corrige. Absolument. Amen, amen. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Les gens ont comme impression que c'est pas. Je vais dire, comment je dis cela, que c'est dans votre assemblée, vous aimez trop ceci. La parole de Dieu est universelle. Amen. Transcend les époques et les cultures. Amen. Donc, écoutez bien, si la parole de Dieu confronte une culture, comment on dit que non, il faut qu'on adapte la parole de Dieu au monde? Non, c'est le monde qui doit s'adapter à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, je parle des prophétesses là, entre guillemets. Désormais, au sortir d'ici, comprenez d'après les Écritures qu'il n'y a pas de prophétesse dans le corps de Christ. Amen. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Définitivement, toutes celles ou celles que vous connaissez qui s'appellent prophétesses sont sous l'esprit de divination. J'ai dit tout à l'heure là que l'esprit de divination aime les femmes. Alors, qui les parle depuis? J'ai dit, les cinq ministères, c'est des ministères d'autorité. Il a dit, clairement, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il n'y prend autorité. Remarquez maintenant que pour montrer que cet esprit a touché, quand un pasteur se regarde le placement de Dieu, c'est toujours un couple. Papa et maman pasteur. Il y a papa pasteur maintenant, il y a maman pasteur. Faites attention. Vous également avec les appellations là, maman pasteur, vous poussez la femme à être pasteur. Comme ça que si papa n'est pas là, c'est maman qui prêche. Ce n'est pas comme ça, frère. Alléluia. D'accord. Écoutez, n'appelez pas comme ça, vous dites, je ne sais pas comment ça se passe ici. D'accord, je ne suis pas ici. Je suis en train de parler parce qu'il parle au monde ainsi. Donc. Ne croyez pas qu'on me flatte avec le salaire que l'on dit ici, ne dit pas ceci. Quand ça sort là, il lâche ses mains. C'est mon frère. C'est mon frère. Même s'il peut me boxer par la suite, il n'y a pas de problème. C'est mon frère. D'accord? Peut-être qu'il vous ménage. Mais comme je sais très bien que Dieu l'aime et que Dieu ne peut pas permettre qu'il fasse la vérité, Dieu fait à ce qu'on se soutienne les uns les autres. Amen. Pour que s'il veut tenter de mettre le pied quelque part, il dit que prépare ceci. Amen. Alléluia. Vous avez parcouru les dénominations, vous avez des prophétesses, vous en avez vu. Souvenez-vous dès maintenant. La parole de Dieu montre clairement que c'était fausse. Il n'y en a pas une seule. Dans cet Apocalypse chapitre 2, verset 20, il dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme. L'église laisse la femme enseigner ses serviteurs. C'est ce que Dieu dit. Et tu la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduit mes serviteurs. Donc beaucoup de pasteurs sont séduits par ces choses-là. Il n'y a pas plus grand danger qu'un serviteur de Dieu qui épouse une femme qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Le ministère qui est terminé là. Il faut seulement la grâce de Dieu pour que cette femme soit tuée d'une façon ou d'une autre. Oui, tuée au sens littéral. Quelqu'un qui est rapidement. La femme de serviteur qui meurt. Pour que Dieu dise là, mon fils, tu avais raté la première plan. Voici le plan que je voulais dire. Ce n'est pas le temps de parler du ministère de la femme. J'aurais souhaité que nous parlions de cela en plein pour que vous compreniez. Parce que l'autre chose, c'est de s'asseoir comme ça chaque jour. On ne sait pas ce qu'on est censé faire. Mais Dieu va nous aider. D'accord? Donc, le don des prophéties est différent des prophètes. Le prophète a trois caractéristiques claires qui doivent les distinguer des dons des prophéties. Trois. Ces trois caractéristiques-là, c'est la vision. La vision. Quand je parle maintenant des visions, veuillez comprendre effectivement ce qu'il veut dire. Je ne parle pas seulement des rêves, parce que Dieu parle au prophète au rêve. Dans ce nom, chapitre 12, là où je vous ai dit, quand Aaron et sa sœur ont confronté Moïse, Dieu leur a dit que quand je vais susciter parmi vous des prophètes au milieu de vous, je ne parlerai pas des songes et pas des visions. Mais à Moïse, je ne parle pas avec énigme. Je le parle de bouche à bouche. Et il voit une représentation de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Dieu parle. Et on a vu comment Daniel est allé prier. Dieu lui a donné le songe, la révélation, ainsi de suite. Josué en a eu des songes. Il y en a tellement dans la Bible. Des prophètes qui entendent distinctement la voix de Dieu. La vision. Voici pourquoi le prophète a une catégorie, a une caractéristique qui le caractérise. Ils aiment toujours la solitude. Amen. Ça ne vous surprend pas que les gens partent toujours dans le désert, se réfugient, aiment se retirer. Parce que le prophète connaît très bien que son esprit est sensible. Pour que ça soit vraiment calqué, il faut que Dieu soit dans le camp pour parler avec lui. Amen. Mais quand Dieu, maintenant, quand il finit d'être prononcé, il peut venir dans la foule, quelque chose comme lui dire. Le prophète, c'est quelqu'un qui connaît exactement et distinctement la colère de Dieu par rapport à l'iniquité. Amen. C'est pourquoi il ne peut pas voir l'iniquité, ne prêche pas par rapport à ça. Amen. Vous saisissez? Donc, pas besoin de ces gens des prophètes de Michée au chapitre 3, qu'on a lu la dernière fois, verset 5 à 7, qui prophétisent du bien lorsqu'ils ont quelque chose à manger. D'accord? Regardez très bien. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1, il dit crie. Enfin, c'est au chapitre 58 de la verset 1, il dit crie à mon peuple et dénonce ses péchés. Après, chapitre 58, on parle du vrai jeune. Il dit qu'il me dit chaque jour, il crie comme si les gens qui avaient obéi à l'ordonnance. Ésaïe est obligé de leur dire le péché. Prêchez que vous avez péché. Vous ne pouvez pas prêcher et prier, Dieu vous exauce. D'accord? Donc, saisissez ceci, bien aimé. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de prophétesse. Donc, l'église du Nouveau Testament est régularisée et incorporée dans le corps de Christ par le ministère des apôtres, des saints ministères que vous voyez là, pour perfectionner. Le but de ce perfectionnement, c'est que toi et moi, on puisse connaître notre ministère. C'est le but de ce saint ministère. C'est-à-dire qu'ils font la formation par le Saint-Esprit pour que tu sois apte maintenant dans la place que tu occupes dans le corps. C'est-à-dire, si ces ministères ne sont pas là, vous allez tourner en rond. Priez selon que Dieu suscite de telles personnes. D'accord? Ok. Maintenant, le don des prophéties. Comme vous entendez, c'est un don. C'est-à-dire que c'est une inspiration qui est donnée divinement sur une personne. Cette personne n'a pas besoin d'avoir des visions. Bien qu'elle puisse l'avoir. Mais le prophète, je vous dis qu'il y a trois choses qui caractérisent les prophètes. Il y a les songes et les visions qui sont permanents et continuels. Ça fait partie de sa vie. Il ne peut pas s'en séparer parce que son subconscient est conçu pour recevoir, voir dans l'au-delà de l'autre vidéo. C'est-à-dire quoi? Le prophète n'a pas besoin de dormir pour avoir les visions. C'est ce que ça nous dit. Le prophète. Il ne dort pas. Vous vous souvenez de cet Élisée qu'on a pris l'exemple l'autre jour, non? Quand Géasi allait vers le char, il lui a dit que mon esprit n'était pas quitté quand tu t'éloignes de ce char. Azaël avait envoyé le roi Ben-Hadad avait envoyé Azaël d'aller demander parce qu'il était malade. Vous savez, il avait envoyé son chef Azaël d'aller demander au prophète s'il va vivre. Azaël est venu, c'était le chef du roi, donc le roi, donc comme on parle du général là. Il est venu le voir, ainsi parle le roi. Est-ce que sur cette maladie, s'il veut me lever d'une vie, le prophète l'a regardé comme ça. Il dit que l'Éternel m'a dit qu'il va mourir, mais il va lui dire qu'il va vivre. Donc voici la vraie vérité. Il est censé mourir. Pendant que c'est tout comme ça. Le prophète commence. Qu'est-ce qu'il y a le deuil? Je pleure parce que je viens de voir que tu seras le roi d'Israël. Et l'Éternel m'a montré quel mal tu vas faire à ce peuple-ci. Il venait de voir ça dans le camp. Il ne dormait pas. Il était encore devant lui. Dieu lui a donné une prophétie par rapport à son maître. Et quand il est monté, il s'est tourné. Il a continué. Le monsieur là, quand vous venez de lui dire qu'il va tuer beaucoup d'Israéliens. Et que son maître va mourir. Il est monté à la maison, prend l'oreiller, appuyé sur son visage, il est mort, il est devenu roi. Il a fait du mal au peuple. Que parlez-vous de Jéroboam, le maître qui était serviteur de Salomon? Vous savez qu'après la mort de Salomon, le royaume s'est divisé en deux. Roboam a pris le sud avec deux tribus. Jéroboam a pris les tribus du nord avec 10 tribus. Il rentre des hauts lieux, voici Akila qui le rencontre. Il enlève son manteau, il déchire en 12 parties, il lui dit pas, ainsi parle l'Éternel. J'ai déchiré le royaume des fils d'Isaïe et j'en donnerai 10 parties. Il a fui en Égypte, il est revenu, il a fait du mal à Israël. Donc le prophète a permanemment la vision, sans avoir besoin du sommeil, comme les êtres humains normaux. C'est-à-dire la constitution du subconscient du prophète est différente de tout autre être humain. Voilà pourquoi on ne peut pas forcer pour devenir, parce que tu as beau forcer pour avoir les rêves, tu vas seulement rêver comment tu as dû les manger. Donc n'essaie pas de dire que c'est fort, il faut que je rêve. Ne faites pas cela. Aimez seulement le Seigneur. Et s'il plaît à Dieu de se révéler à vous, il se révèle. Amen. D'accord? Amen. Cherchez seulement sa face. Donc, deuxième chose que le prophète a, maintenant c'est ici donc, j'avais posé la question la dernière fois et puis j'ai répondu autrement. Le prophète, tout prophète, qu'il le connaisse ou pas, qu'il l'admette ou non, ont le don du discernement des esprits. Amen. Le don du discernement des esprits. Vous êtes ici? Ok. Alors, ils peuvent recevoir des révélations de la part de Dieu. Ils peuvent rester là-bas et dire que toi, esprit de Python, sors de ce corps. Toi, esprit de Python. Il a appelé l'esprit nommément. Et curieusement, les esprits aussi les connaissent. Quand le grand prophète s'est fini, il dit que tu es le fils du Très-Haut, tu es venu pour nous perdre. C'était le fils de l'homme qui était là. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ s'appelle fils de l'homme, il veut dire qu'il est prophète. Vous savez ça, n'est-ce pas? Amen. Ok. Alors voilà pourquoi dans ces démons, dans ces sept fils de Kev, avait dit que je connais Paul. Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Donc, il connaît Paul. L'un d'eux, dans une femme, avait dit quoi? Que ces hommes, ce sont les serviteurs de Dieu Très-Haut. Donc ils connaissent. Vous savez, c'est bien aimé. Donc, ne faites pas l'amalgame entre le don des prophéties et le ministère des prophéties. Alors maintenant, je vais vous montrer dans le Nouveau Testament, justement, c'était, il n'y a pas le temps de lire, parce que pour lire, là, ça va nous freiner. Reprenez toujours, mais quand ici, vous avez lu le petit, vous allez confronter ça dans votre esprit, ça va être de quoi il est question. Je vais vous parler, ces deux derniers jours, c'est du prophète Agabus. La Bible déclare, si vous lisez à chapitre 13 des Actes des Apôtres, pendant que les apôtres Paul et Silas étaient en train de jeûner et prier dans leur ministère, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Au verset 1, la Bible dit qu'il y avait dans l'église des prophètes et des docteurs. Vous savez ça? Donc dans l'église, il y avait cela. C'est nouveau là maintenant. C'est à partir du 20e siècle qu'on a incorporé les femmes prophétesses, les femmes évêques, les femmes anciennes de l'église. Juste parce que d'autres se servaient avec les fleurs. Mais, allez dans le dimension. Ils ont leur... Ce n'est pas le moment. Mais Dieu va botter les gens au dehors, je vous dis. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans cet acte des apôtres, vous allez remarquer, je vous ai parlé du ministère d'Agabus deux fois. Dans les deux fois, quand il est arrivé chez l'évangéliste Philippe, je vais vous montrer quelque chose seulement. Je sais qu'il y a des questions par rapport à... Mais les fils et les filles vont prophétiser. Ne vous inquiétez pas. Quand il va arriver chez Agabus... Non, Agabus va descendre là-bas chez l'évangéliste Philippe. On dit que l'évangéliste Philippe avait quatre filles. Qui... On a dit qu'elles étaient les prophétesses. On a dit qu'elles prophétisaient. Tout simplement. Le renseignement est donné. Elles prophétisaient. Donc elles avaient le don des prophéties. J'aimerais bien voir combien les sœurs sont vierges. Souvenez-vous, j'ai parlé de Marie, de Anne tout à l'heure, là, dans Luc chapitre 2. Vierge jusqu'à son mariage. Après 7 ans, quand elle a été mariée, son mari est mort 7 ans de mariage. Elle ne s'est plus mariée jusqu'à ce qu'elle est vieille. Jeûne et prière, jeûne et prière. Aujourd'hui, on dit que je n'ai un jour, le pasteur, il exagère. Et vous voulez entendre la voix de Dieu. Ok. Ils avaient quatre filles vierges qui prophétisaient. Subitement, c'est dans cette assemblée, Dieu a dû dépêcher un prophète pour venir là-bas donner une direction. Ça ne vous étonne pas? Donc, quand il sera de conduite et d'autorité de direction dans l'église, Dieu va susciter des prophètes. Parce que Dieu ne peut pas aller au-delà de sa parole. Il ne peut pas être en contre sa propre parole qu'il a écrite. Il ne peut pas écrire sa parole et franchir la ligne qu'il a enseignée. C'est-à-dire que les quatre filles-là prophétisaient. Je m'arrête parce que la Bible dit qu'elle prophétisait. Je ne veux pas savoir ce qu'elle prophétisait parce qu'on n'a pas écrit. Il faut savoir c'était quand la Bible c'était et parler quand la Bible parle. On a dit qu'elle prophétisait. Mais on a dit que Agabus s'est levé là-bas, il a pris sa ceinture, il a attaché sa belle, il a dit ainsi parle l'esprit Paul pour donner la direction au ministère de Paul. Sous c'est ici. Toutes ces femmes-là qui avaient fait sa cause, lui ont dit que stop. Parce que c'est ce Paul-là, il connaît de quoi il est question. Dans ce 1 Corinthiens 14, là, verset 37, il va dire quoi? Il dit, est-ce de chez vous que la parole est venue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vais décrire est un commandement du Seigneur. Amen. C'est-à-dire qu'un prophète qui dit aujourd'hui que ma femme est prophétesse, il vient de dire là que l'apôtre Paul était un faux prophète. Parce que l'apôtre Paul a dit qu'il tient ça de la part du Seigneur, c'est un commandement. Si c'est un commandement, ça transcende les époques et les cultures. Amen. C'est pour tout le monde. Alors, après, il dit, si vous lisez la version Thomson, il dit que, et s'il ignore, c'est qu'il a été ignoré de Dieu. C'est-à-dire, l'apôtre pouvait nous dire que, si un prophète vient dire que voici une prophétesse, Dieu l'a ignoré. Dieu ne le connaît pas. Parce que Dieu a déjà dit à l'apôtre Paul que, comme dans toutes les églises, de ce que la femme se taise. Vous savez, c'est la divination en milieu de la chrétienne.